Et bonjour, excusez-moi pour le petit grésillement du départ. C'est simplement que comme j'écoute mes podcasts en Bluetooth sur l'autoradio, il était resté sur la fréquence. Et comme j'ai pas connecté le Bluetooth puisque je comptais enregistrer, on s'est retrouvé avec un peu de grésillement. Voilà, on est le 16 août pour vous permettre de situer ce podcast là dans le temps pour ceux qui raccrochent les wagons. Si vous avez comme moi la fâcheuse habitude, j'avais envie de dire, mais si vous avez comme moi l'habitude de, quand vous découvrez un podcast, de les reprendre un peu depuis le début pour voir l'évolution, pour voir exactement de quoi ça parle, si ça a toujours parlé de la même chose, si c'était toujours la même manière d'enregistrer ou d'évoquer les choses. Allez, on va essayer de bien accrocher la troisième. Donc si vous faites partie des gens qui sont, dont je fais partie, ce serait prétentieux de dire que tout le monde est comme moi. Si on fait tous partie de la même secte où on aime bien se taper les intégrales, bienvenue dans le cinquième épisode. Cinquième épisode, ça doit faire un mois que j'ai commencé, à une journée près. Comme dirait l'autre, c'est pas une science exacte, on n'est pas une vache près. Et c'était juste pour faire un petit bilan, bien que je déteste faire ça finalement. Mais c'est uniquement partager les sentiments aussi, puisque mine de rien, moi j'en attendais absolument rien de ce podcast, mais je vois qu'il est écouté. Je vois qu'il est écouté, je vois que... Alors, il est écouté, c'est pas énorme, hein. Mais pour un mec qui en attendait rien, c'est déjà plus que ce que j'en attendais. Donc du coup, tout ce qui se pointe, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui s'abonnent, ouais, parce qu'en plus, il y a même des abonnés maintenant. Mais tout ça, c'est du bonus, et je voulais vous remercier pour ça. Ouais, vous remercier, ouais. Parce que c'est un petit geste, c'est rien, pour vous peut-être. Et peut-être que vous allez vous désabonner, parce que finalement, ça va vous saouler, et je pourrais vous comprendre aussi... Je vous en tiendrai même pas à rigueur parce que je vous dis tout ce que j'ai déjà fait là, que je pensais vraiment limite pas insurmontable, mais qui me paraissait pas une chose que j'étais capable de faire, j'arrivais à me projeter à le faire, je l'ai fait et j'ai eu des bons retours. Donc j'ai pas eu de mauvais retour. Ça c'est. En même temps, j'avais mis les choses au clair de suite en disant que si ça vous plaît pas, foutez-moi la paix et allez voir ailleurs. Et je suis content parce que soit les gens sont disciplinés, soit ça plaît à tous ceux qui ont écouté. Donc je sais pas dans quel camp balancer le truc, mais ça aussi c'est un point positif. Et je me rends compte qu'au final, il n'y a que des trucs qui me vont bien. Ça me fait plaisir. Donc ouais, pas beaucoup d'écoute, hein, je vous dis, sur l'espace des 80... Alors je prends les écoutes que sur PodCloud, parce que maintenant je diffuse plus que sur PodCloud. D'ailleurs, si vous pouviez les aider, si vous pouviez participer ou donner, enfin non, même pas donner, amener une contribution quelle qu'elle soit à cette plateforme là, ce serait bien, parce que je me suis rendu compte que c'est un gros boulot qu'ils font. Voilà, on m'a toujours appris à dire que quand c'était pas bien fallait le dire, mais quand c'était bien fallait le dire aussi. Et là, voilà, moi je remercie. Alors, je suis désolé, j'ai pas super bien les noms en tête, mais je sens qu'il doit y avoir du feel good qui traîne dans le coin. Et après, je voudrais pas dire de bêtises, donc je m'arrêterai là, mais voilà. S'il y a un geste qu'on peut faire pour les aider, aidons-les. Chacun à notre mesure, ça peut être bien. Que dire d'autre que... Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire l'épisode d'aujourd'hui? Déjà, j'avais pas énormément de choses à régler au boulot aujourd'hui. Donc j'ai divagué un petit peu. Je me suis dit, tiens, je pense que quand tu seras dans la voiture, il y a peut-être un épisode à faire là-dessus. Sur le fait de divaguer. Et puis en fait, j'ai pas eu le temps de trop divaguer parce que depuis que j'ai découvert un podcast... Donc ça doit faire 4 jours, donc le 12, le vendredi. Depuis que j'ai découvert La vie des moutons, Et comme j'ai cette fâcheuse tendance à reprendre tous les épisodes, mais voilà, je me suis fait. Je suis en train de finir l'intégrale de La Vie des Moutons de Picaboo. Et c'est juste mon type de podcast. Je ne vous dirai pas que c'est génial parce que ça, c'est un goût, et les goûts et les couleurs, vous savez ce que c'est. Mais mon ressenti, c'est que ça me plaît, c'est ce que j'aime, voilà. Donc un petit peu comme lui, j'aimerais bien qu'il y ait plus de participants. Donc s'il m'écoute, je pense qu'il ne sera pas surpris de recevoir sûrement une de mes contributions un de ces jours. Le temps que je finisse l'intégrale, il doit me rester 11 ou 12 épisodes à écouter, puisque j'ai écouté le 113 et le 112. Voilà, je dois être au 104, le premier des 104, et il doit me rester du 104 au 111. Mais bon, je sais qu'il y a des réponses avec 104B, 104C, j'ai déjà vu ça dans le listing. Donc voilà, j'ai bien entendu Gaycode, j'ai écouté Kikrine et Parcimony, Feelgood, Canton. Donc je pense que je vais amener aussi ma contribution au podcast de La Vie des Moutons, si faible qu'elle puisse être. Et puis, Picaboo à... Picaboo ? Ouais, c'est ça. Putain, mais pourquoi j'ai Picaboo dans la tête ? Si, qu'est moi ça. Hein ? Si tant est qu'il estime que ma contribution puisse passer. Et puis je revenais du coup à ce que disaient Parcimony et Kikrine, où Parcimony ne savait pas si ce serait intéressant de parler de métier de la banque ou de l'argent ou de la finance. Et j'ai fait le parallèle avec moi où je disais, qui sait que ça peut intéresser un mec qui parle tout seul dans sa caisse. Ben voilà, cherche pas, fais-le Parcimony, je pense. T'emmerde pas. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais fais-le juste dans l'idée de pas attendre quelque chose en retour. Si ce n'est de te faire plaisir toute seule. Enfin, sans mauvaise pensée, bien sûr. Voilà. Puis ça rejoint un petit peu aussi ce que disait Yannick Doc, je crois, dans l'épisode réponse, le 92. Où lui, il a listé toutes les mauvaises... d'après lui, toutes les mauvaises raisons qu'on avait de pas faire un podcast. Et je me suis complètement retrouvé dedans. Celle où on dit qu'on n'a pas le temps, celle où on a dit qu'il y aura sûrement quelqu'un qui fera mieux, mais que pour que quelqu'un fasse mieux, il faut déjà qu'il ait une base de référence. Oula, il y en a un, il est mal engagé, il est sur une trois voies au milieu et il veut envoyer tout à droite. Et quand je vois la voiture, je me dis que ça ne doit pas être la première fois. C'est cabossé de partout. Là, à mon avis, sa conduite n'est pas pour. Ne doit pas être très loin dans la liste des raisons. Ça ne veut rien dire. Doit pas être très loin en tête dans les raisons principales. Ça doit être mieux. Ça doit sonner mieux, je pense. Voilà, donc je me suis dit, déjà ce sera l'occasion de les saluer. Ah oui, il y avait autre chose que je voulais dire sur ce qu'avait dit Kikrine et Parcimony. Mais l'occasion de les saluer. Voilà, Kikrine, Parcimony, Picaboo. Et je crois que j'ai encore accroché son nom. Qui d'autre? Feelgood. Tout le travail qui est fait par Pod Radio, voilà, c'est pas grand chose. Je sais pas où est-ce que j'en serai, comme je vous dis toujours, si je continuerai après. Mais pour cet épisode 5, je pense que je prends du plaisir et donc je voulais le faire partager. Voilà. Je voulais revenir sur ce qu'avait dit Kikrine et Parcimony. Elle disait que, et je m'en souviens plus, putain, l'autre il m'a fait faire un stop, et du coup, voilà, une idée en chasse l'autre, et je sais plus où j'en suis. Ça va me revenir, hein, mais le tout c'est que je raccroche les wagons, mais là je dois vous avouer que c'est pas pratique. Il disait que, en gros, ce serait un peu la merde quand même si tous les podcasteurs, si tous les poditeurs faisaient des podcasts. Ouais, peut-être, mais peut-être que ça stimulerait aussi la créativité. Regarde, moi, je dis rien d'intéressant, mais il y a du monde pour l'écouter. Et peut-être que ça donne des idées aux autres. Et peut-être que moi je ferai évoluer le concept, peut-être qu'un jour j'aimerais d'avoir quelque chose de plus posé. Je vais remonter les vitres, d'avoir quelque chose peut-être d'un peu plus fouillé, d'un peu plus préparé. Déjà je pense que sur cet épisode là normalement il doit y avoir la nouvelle photo de la jaquette du podcast. Je vais garder la mangouste comme emblème du podcast. Mais c'est une priorité à droite. Mais l'épisode du podcast en lui-même va changer de vignette, si ce n'est déjà fait sur cet épisode. Et peut-être que je voudrais faire un peu de montage, au moins ne serait-ce que mettre une intro et une outro. Je sais pas, est-ce que ce serait une évolution, est-ce que ce serait un changement de direction, est-ce que ce serait aller contre ce que j'avais décidé au départ. Sachant qu'au départ, je ne m'étais pas fixé beaucoup de limites et de contraintes, si ce n'est de prendre du plaisir. Ouais, je sais pas. Je sais pas, en même temps, je m'éclate bien. Alors, s'il y a un truc qui est marrant aussi, c'est ça, j'y ai pensé, ça fait un moment. Ouais, ça fait 2-3 jours, j'y pense. Il y a des gens sûrement de mon entourage qui écoutent ce podcast, qui le disent pas. Et c'est pas grave, moi ça me fait rire s'il n'y a pas de malice derrière. Et pour vous dire que quand on fait quelque chose, on peut influer wow, à plus ou moins grande mesure sur le comportement des gens. J'ai noté après l'apparition de certains épisodes des situations typiques où les gens ont complètement changé de comportement sur des choses ou sur des échanges qu'on a eus. Il y a peut-être une semaine, un mois, un an, ils n'auraient jamais réagi de la manière dont ils l'ont fait il y a 2-3 jours sur des réponses que j'ai pu leur faire. C'est-à-dire que je suis connu pour... Je suis réputé pour être quelqu'un d'assez impulsif, d'assez... impulsif dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que je peux être un impulsif sanguin, comme je peux être un impulsif passionné, comme je peux être un impulsif généreux. Voilà, dans le terme impulsif, il y a la notion d'étincelle qui fait que bam, ça démarre au quart de tour, mais dans toutes les occasions possibles. En bien, en mal, moi j'essaye de bien mieux me canaliser, déjà de ne pas arriver à cette situation d'impulsion, mais voilà. Et les gens n'ont absolument pas réagi comme si. Et sans qu'ils soient au courant des mesures que j'ai décidé de prendre pour me faciliter un peu la vie cette année. Mais les gens, ils ont fait un flip, hop, voilà, il y en a, ils ont préféré dire « oh, ok ». Là, ils m'auraient dit « non, mais c'est bon, t'énerve pas, mais pourquoi tu le prends comme ça ?» Mais non. Donc, tentez des choses, prévenez pas les gens, à la limite, tentez des choses. Et puis, vous allez voir, ça va... Finalement, les gens sont peut-être capables de vous accepter... comme vous avez envie d'être et pas comme ils ont envie que vous soyez. N'ayez pas peur de... Alors je ne mettrai pas décevoir, mais je pense que derrière, on doit être dans une notion comme ça. Et puis merde, faites-vous plaisir. Pas n'importe comment, pas n'importe quel prix, ne mettez pas dans la merde pour ça non plus. C'est pas le propos, c'est pas le but. Foutez pas les gens à dos non plus en tombant dans l'extrême complet de se foutre éperdument de tout ce qui se passe autour de vous. Mais dans une juste mesure, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Il suffit, je pense, de le décider. Voilà. Ça, c'était... Alors, je sais pas s'il y aura plusieurs parties dans le podcast parce que pour une fois, j'ai fait... attention au jeu de mots, j'ai fait un conducteur. Voilà, celle-là, elle est faite. Sur un post-it, et je crois même que je l'ai déjà fait sans le vouloir la dernière fois, sur un petit post-it où j'avais dit que voilà, fallait dire merci, ça s'est fait, fallait dire bravo aux courageux qui écoutent ça, parce que je reviens sur ce que j'ai dit la dernière fois, pour moi ça me paraît totalement surréaliste. L'évolution du format, voilà, on l'a brièvement passé, mais je sais pas quoi faire. Je suis revenu sur ce qu'avait dit. L'échange qu'avait eu Kikrine et Parcimonie, il y avait un point dans leur discussion. Enfin, dans leur discussion. Ils sont partis complètement en cacahuète, toutes les deux, avec leur dialogue, leur fin avec une histoire. leur blague où on n'a pas la chute et que j'ai même pas pris le temps de chercher. Par contre, je suis en train d'étuver dans ma voiture. Je voulais pas mettre trop de bruit, mais je vais essayer de baisser un petit peu les vitres. Et puis on verra ce que ça donnera. Et donc, je suis désolé, ça me revient toujours pas. La vie des moutons, ça s'est fait avec... Je vais plancher, je vais essayer de faire un petit 8 minutes au format MP3. Avec, alors c'était quoi, vos idées, vos envies, vos colères, vos coups de cœur. Donc plutôt que de le faire dans ce podcast-là et puis d'aller citer mon collègue bordelais, et ouais, j'ai vu qu'il était bordelais aussi. Alors, plutôt que de le citer là-dedans, ça lui fera peut-être la surprise s'il m'écoute. Il m'a dit qu'il avait écouté, qu'il me fera un retour. Mais, voilà, même si j'en ai pas, c'est pas grave. Oui, ce que je voulais... Ah, voilà, c'était ça. Bah oui, là, ça suffisait d'être patient. Kikrine ou parcimonie, je ne sais plus à quel des deux le disait. Et d'ailleurs, Kikrine revenait sur la participation à la vie des moutons de la plupart des gens. Il disait, mais il n'y a pas beaucoup de participation. Elle a dit, j'ai l'impression que c'est les podcasteurs qui font le podcast, en fait. Que tout le monde se connaît en cercle fermé et tout le monde participe plus ou moins aux émissions de l'autre. Pardon. Et que ça ressemble à un petit vase clos. Tout le monde se rend compte. Et je crois que c'est là où justement, bah, ça doit être parcimonie, a dit. Mais tu te rends compte, si tous les auditeurs faisaient des podcasts, ce serait le bordel. Et j'ai eu ce sentiment un petit peu à une époque, puisque c'est vrai que. Enfin une époque, oui. Parce que c'est vrai que quand on découvre un podcast, finalement, il y a toujours les mêmes références qui tombent plus ou moins. Et je pense que c'est pas par. Que c'est pas un vase clos, mais je pense que plutôt. Ce serait presque des sphères d'influence qu'on a tous en fonction de nos goûts et de nos attentes sur les podcasts. Donc tout le monde se retrouve un tout petit peu. La preuve, c'est qu'il y a plein d'autres podcasts qui marchent à côté dont j'entends pas parler dans ceux que j'écoute. Donc pour, grosso modo, en ce moment, j'en ai une vingtaine. Hein. Il m'en reste encore plein à découvrir. Et donc ça va me prendre... De rien, monsieur le motard. Et donc ça va me prendre du temps parce que voilà, j'ai tout bricolo et mulot à me faire. Je sais plus ce que j'ai. J'en ai deux ou trois là que j'ai souscrit et il va falloir. Les Quid Novi, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas eu la curiosité d'aller voir, donc voilà. Ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai rajouté encore? On achève bien les endives parce que j'en ai écouté un ou deux, mais il faut que je me refasse tout. À titre indicatif, quand même, depuis ça fait un an et demi que j'écoute les podcasts, je crois que les intégrales que je me suis passé, c'est Walter Proof, l'apéro du capitaine. Allez compter les épisodes, plan B aussi. Allez compter les épisodes, regardez les durées, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi j'ai pas beaucoup de podcasts. Et pourquoi c'est important de varier les horizons parce que c'est un petit peu éclectique tout ça. Mais c'est bien, c'est vachement bien. Je vais essayer de redresser. Remonter un petit peu la vitre. Voilà. Ah, il doit nous rester 5 bonnes minutes pour arriver à la maison. Donc je sais pas si j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. C'est la débauche, il fait chaud. J'irai pas à la plage parce que j'ai plein de trucs à faire. Je me suis fait une petite liste de tout ce que j'avais à faire pour être tranquille le reste de la semaine. Et du coup, il me parle de rentrer chez moi pour les faire. Là où avant, ça aurait pu être une corvée, ben non. Là, je vais rentrer, je vais me faire ça à mon rythme. Je vais attendre 18h30 avec impatience parce que je crois qu'il doit y avoir un avis des moutons qui doit sortir. Et ça, l'attente, presque 17h, hein, 16h53, donc une petite heure et demie. Donc le temps de faire tout ce que j'ai à faire, et normalement, ça devrait vite passer. En espérant que j'ai bien lu le tweet et que je me suis pas loupé. Oui, tant que j'y suis, j'ai mis un compte Twitter donc dédié à ce podcast. Donc vous le retrouverez sur le descriptif du podcast. Et vous pourrez tweeter sur @roule_avec_tocheux. Donc ça s'écrit comme ça se prononce. Et Tocheux, vous l'écrivez T-O-S-H-E. Et vous avez une adresse mail maintenant si vous voulez m'écrire. C'est RAM le podcast, donc RAM LEPODCAST @gmail.com. Voilà, je différencie tout. Parce que je pense que l'univers du podcast est tellement vaste que je peux pas le mêler avec mon compte Twitter habituel, perso. Voilà, c'est juste prioriser les choses et leur accorder chacun l'importance qu'ils méritent. Et quand on voit tout ce qu'il y a à découvrir dans le monde du podcast, je préfère bien scinder les choses. Donc voilà, c'est pas... Il n'y a pas de démarche pour favoriser la visibilité d'un compte ou un autre, non. En plus, maintenant, avec TweetDeck, on passe de l'un à l'autre très facilement, donc... Non, non, c'était juste pour vous faciliter, vous, la tâche. C'est-à-dire que... Écrivez à ramlepodcast@gmail.com et puis tweetez à roule avec Tocheux et vous allez voir que ça, normalement, ça doit très bien se passer. Vous pouvez tweeter aussi sur mon compte principal, mais ça ne serait pas cohérent, mais si ça vous fait plaisir, allez-y. Voilà. Voilà, je pense qu'on a bouclé l'essentiel. Et puis si ça se trouve, si j'ai pas dit l'essentiel, je reviendrai plus vite que prévu. Sachant que je prévois rien, je vous ai dit, il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas de format particulier. Voilà. Rien de particulier à rajouter, je pense. Je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Et puis, quand on n'a plus rien à se dire, eh ben, je crois que c'est le moment où il faut raccrocher. Donc voilà, je vais vous faire un gros bisou. Je vous dirai à bientôt. Continuez de m'écouter si ça vous fait plaisir. N'allez pas plus loin si ça vous emmerde. Encouragez-moi si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fera plaisir d'avoir des nouvelles de vous. Puis même des nouvelles autres que sur le podcast. Hein. Moi, je vous parle bien de rien. Donc tweetez-moi pour rien ou écrivez-moi pour rien si ça vous fait du bien. Après tout, c'est un service comme un autre. C'est un prêté pour un rendu. Et puis, tcho-tcho, à la prochaine, la bise. Et comme dirait Walter, c'est un truc qui m'a fait marrer la première fois que j'ai entendu, c'est tout con, mais à plus tard si je suis pas au bar. Et ça, c'est pour monsieur Walter Pouf, que j'adore. Voilà. Allez, tcho-tcho, la bise, et puis à la prochaine.